Après un arrêt à Blida, la diligence arriva plus au sud, à Miliana. Tartarin Tarascon descendit, laissant la diligence continuer sa route vers le sud. Deux jours de dur chaos. Deux nuits passées, les yeux ouverts, à regarder par la portière, s'il n'apercevait pas dans les champs, au bord de la route, l'ombre formidable du lion. Tant d'insomnie méritait bien quelques heures de repos. Il se dirigea donc à travers la large rue du Miliana, pleine de beaux arbres et de fontaines, tout en cherchant un hôtel à sa convenance. Soudain, au détour d'une rue, notre héros se trouva face à face. Avec qui? Devinez, avec un lion superbe qui attendait devant la porte d'un café, assis royalement sur son train de derrière, sa crinière fauve dans le soleil. « Qu'est-ce qu'il me disait donc? Qu'il n'y en avait plus ?» s'écria le Tarasconnais en faisant un saut en arrière. En entendant cette exclamation, le lion baissa la tête et, prenant dans sa gueule une sébile en bois posée devant lui sur le trottoir, il attendit humblement du côté de Tartarin, immobile de stupeur. Un arabe, qui passait, jeta un gros sou dans la sébile. Le lion remua la queue. Alors Tartarin comprit tout. Il vit ce que l'émotion l'avait d'abord empêché de voir, la foule attroupée autour du pauvre lion aveugle et apprivoisé, et les deux grands nègres armés de gourdins qu'il promenait à travers la ville comme un savoyard sa marmotte et qui était pour le couvent de Mohammed. À ce moment, un homme arriva. « Comment, prince? C'est vous ?» fit le bon Tartarin. « Eh oui, mon vaillant ami, c'est moi. Sitôt votre lettre reçue, j'ai confié Baïa à son frère, loué une chaise de poste, fait 50 lieues ventre à terre, et me voilà. Dès demain, nous allons battre la plaine du shérif, et vous verrez. Et quoi, prince, auriez-vous l'intention de chasser, vous aussi? Parbleu, pensez-vous donc que je vous laisserai en aller seul en pleine Afrique, au milieu de ces tribus féroces, dont vous ignorez la langue et les usages? Non, non, illustre Tartarin, je ne vous quitte plus. Partout où vous serez, je veux être. Oh, prince, prince! Et Tartarin, radieux, pressa sur son cœur le vaillant Grégory, en songeant avec fierté qu'à l'exemple de tous les autres fameux tueurs de lions, il allait avoir un prince étranger pour l'accompagner dans ses chasses.